Raymond Poirier s'est joint à nous pour sa chronique du mercredi midi. Salut Raymond. Salut. Ça va bien? Ben, ça va très bien. Super. Aujourd'hui, tu nous parles de kit d'intervention urbaine. J'ai bien hâte d'entendre parler de ça. Exactement. J'élargis un peu, si on peut dire, le mandat et la nature de la chronique cette semaine au fil de ma veille pour l'Institut de technologie de l'information et société. Je suis tombé sur cet article-là du site internet actu.net et j'ai trouvé la mesure extrêmement stimulante. Surtout qu'on parle beaucoup dans la chronique de notions de ville intelligente, par exemple. Et tout ça nous amène à réfléchir un peu sur des manières de mieux engager, de mieux impliquer le citoyen dans sa démocratie locale, dans sa démocratie provinciale, mais aussi dans la construction de sa ville. Et c'est un peu autour de ça que viennent intervenir les kits d'intervention urbaine. C'est un peu des kits facilitateurs. Donc, l'idée étant de pouvoir bien encadrer le citoyen qui veut agir, qui veut intervenir sur sa ville, de lui faire prendre conscience du champ d'application qui peut se permettre de faire, du champ d'intervention qu'il peut proposer, et aussi du cadre légal qui accompagne ce champ d'intervention-là. Donc, plutôt que d'avoir à chercher à passer peut-être des heures, des jours, au téléphone, sur Internet, pour essayer de trouver quel formulaire, pour essayer de trouver quelle personne, pour essayer de trouver telle norme, telle loi, tel cadre, eh bien là, on lui fournit en kit et on lui dit, ben vas-y, lance-toi, tu peux développer et voici tout ce que tu peux essayer de développer. OK, je vois le genre. Et à ça, ben en fait, si on élargit, peut-être je te donne quelques exemples spécifiques là, de type d'intervention. Okay. Ça peut être de l'intervention d'emblée là, temporaire ou longue durée. Ça peut être sur le dur, en fait, sur la ville, les édifices, etc., les trottoirs, les rues. Ça peut être sur le léger, donc ça peut être un peu du virtuel, des applications sur les services, etc. Donc, on peut parler de végétalisation de l'espace urbain, d'intervention sur les voies de circulation, donc sécurisation, confort, signalisation. On peut parler d'événements léger dans l'espace public, d'enrichissement de bases de données, de cartographie, d'amélioration, réparation d'éléments du milieu urbain, des bancs, des abris de bus, des propositions d'animation, d'amélioration à caractère temporaire. On peut parler d'espaces dédiés aux véhicules qui pourraient être occupés. On pense à des événements comme Parking Day, par exemple, qu'on a ici à Québec d'ailleurs, où on dit aux gens, ben voilà, vous avez un espace de stationnement. Si vous en débordez pas, vous avez presque carte blanche dans la mesure où on respecte les règles du bon goût pour occuper cet espace-là. Et ensuite, grâce aux technologies, grâce aux nouveaux médias, ben on diffuse ce qui a été fait, on le présente. Donc, c'est le genre d'intervention qu'on peut imaginer. On peut penser aussi à tout ce qui a trait aux données ouvertes de la Ville de Québec ou des villes en général. Donc, la Ville qui rend disponible des données, des informations, qui dit aux gens, ben, essentiellement, vous avez carte blanche dans l'utilisation de ces données-là pour développer d'autres applications, usages, notamment pour les téléphones mobiles. Donc, c'est quand même extrêmement large comme domaine d'intervention qu'on peut aller appréhender. Il n'y a pas grand-chose qui y échappe, là, vraiment, dans ce que tu viens d'énumérer. Il reste pas grand-chose dans la ville qui touche pas à ça. Là. Exactement. En fait, c'est qu'on habite dans la ville et on voit qu'il y a plein de sphères extrêmement vastes, extrêmement variées, sur lesquelles on peut intervenir. Mais nous, en tant que citoyens, on imagine qu'il y a des domaines, on sait qu'on peut verdir, on sait qu'on peut proposer des projets, on sait qu'on peut faire des animations, on sait qu'on peut faire des choses, mais on sait pas comment les faire. Et c'est là que les kits d'intervention viennent intervenir. Donc, si, par exemple, moi, j'ai envie de faire un projet de verdissement, okay, je vais chercher le kit verdissement. Donc là, on me dit, voici les types de projets qui sont acceptés. Tu peux faire, par exemple, du verdissement en façade. C'est bien structuré, c'est ça. C'est bien structuré. Et là, on va te donner les normes. On va te dire, voici les normes de projet. Voici le formulaire à remplir. T'as pas besoin d'aller chercher sur le web. Il est là, il est disponible. Ensuite, on va te donner les personnes ressources. On va te donner peut-être un inventaire, un annuaire d'organismes qui pourraient t'accompagner, qui pourraient te fournir du matériel, qui pourraient te fournir de l'équipement, qui pourraient te fournir de la main-d'œuvre, de l'expertise. Et à ça, on va aussi peut-être te donner des hyperliens vers des blogs, vers des sites qui sont consacrés au partage de ce type d'aménagement-là, de ce type de verdissement-là, en disant, voici, une fois que tu auras fait ton projet, on t'invite à partager le tien, mais pour l'instant, voici un peu ce qui a été fait. Autrement dit, c'est tous les outils, on réunit à un endroit, puis on dit, voilà, vous venez, vous allez dans ce que vous voulez, et voici tout donc ce que vous avez besoin pour réaliser votre projet. Si je comprends bien, exactement, c'est ça. Exactement. À la base, c'est ça. Donc, c'est vraiment un kit d'intervention qu'on propose. Scénario, par exemple, qu'on pourrait ressortir si on décide de le lier à une application. Bon, exemple, à Paris, ils ont ce qu'on appelle du Vélib. Donc, ils ont une des applications aussi, Co-Cité, qui existe, qui permet aux citoyens et citoyennes de signaler des imperfections dans l'espace urbain. Donc, des dégradations de l'espace urbain ou de services liés à l'espace urbain. Donc, les Vélib, les vélos libres services comme les Bixi à Montréal, s'embarquent là-dedans. Donc, plutôt que de simplement dire aux citoyens, ben voilà, tu envoies ton information via l'application, peut-être une photo du vélo, tu scannes le numéro de série, quelque chose du genre, ben si l'application disait, ah, ben vous avez signalé que le vélo était dégradé, maintenant, nous, on vous offre de le réparer vous-même. Si vous avez envie, voici près de vous des ateliers auxquels vous pouvez apporter le vélo qui vont vous accompagner dans la réparation. Après ça, subitement, le kit d'intervention urbaine ou le protocole d'intervention urbaine qui est généré par cette demande-là propose, une fois que le vélo est réparé, bien, dire, ben vous pouvez aussi choisir de le décorer, de personnaliser votre vélo. Donc, voici, par exemple, telle boutique de peinture ou tel centre d'artiste qui propose ou que tel groupe citoyen qui propose des kits de ressources pour, justement, vous permettre de décorer votre vélo. Et après ça, ben voici le tag de votre vélo. Ils sont déjà tous, de toute façon, géolocalisés, donc ils ont une espèce de petit GPS dessus. Donc, vous pouvez suivre maintenant votre vélo une fois que vous l'avez remis en service et voir ben, où il va, qui l'utilise, éventuellement essayer de le retracer pour le réutiliser. Et donc là, subitement, on n'a pas quelqu'un qui a simplement utilisé le vélo libre-service, on a quelqu'un qui l'a personnalisé. La personne qui va l'utiliser par la suite va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a apporté une attention particulière. Il va avoir un attachement particulier qui va être généré pour la personne qui a travaillé sur son vélo. Peut-être que ça va créer un effet d'entraînement et qu'il y a d'autres gens qui vont vouloir le décorer de cette façon-là. Donc là, subitement, on est parti d'une démarche citoyenne qui est déjà intéressante. Donc l'idée d'utiliser une application mobile pour signaler un défaut, signaler un problème et d'intégrer le citoyen grâce à un kit d'intervention urbaine dans le processus de solution ou de résolution de problème, en lui offrant la possibilité, si la personne le désire, d'en faire un peu plus. Ben, puis comme tu dis, j'imagine ça va aider sur tout plein d'autres sphères. Tu fais juste prendre l'exemple des vélos, il y a une espèce de bon sentiment d'attachement qui se crée. Mais écoute, ça fait une personne de moins sur les routes s'il prend son vélo puis il est heureux d'avoir le sien à son effigie comme il l'aime. Ça peut apporter des avantages. Et plus de un, là, vraiment. C'est une bonne façon d'intégrer les citoyens dans un projet aussi. Hein? Exactement, et de réseauter les citoyens, parce que subitement, ben, peut-être qu'on a un blog qui va détailler ce type d'intervention-là. Il y a des applications qui existent, il y en a une qui s'appelle Waze, un peu sur le principe des cartes Google. Déjà, quand on utilise, par exemple, Google Maps ou les autres succès d'année, eh ben, on a des informations sur ce qui se trouve aux alentours. Donc, Google va chercher des API, va chercher de l'information sur bon, Wikipédia, sur les pages jaunes, des éléments comme ça, pour nous donner de l'information sur les commerces qui sont à proximité, sur les établissements publics qui sont à proximité, sur les services, etc. Donc, mais c'est de l'information qui est générée via le web. Et ce que l'application Waze propose, c'est de dire plutôt que de se fier à ces outils de référence-là qui ne sont pas inintéressants, ben si plutôt on se fiait aux propositions des citoyens et citoyennes, aux éléments, aux suggestions, donc on allait plutôt chercher un matériel qui était généré par les usagers. Donc si je suis à un endroit, plutôt que j'ai une application qui me dise « Hey, il y a telle station-service qui est dans le coin, il y a tel restaurant, voici des avis via telle autre application », ben on aurait plutôt directement donc un avis d'un citoyen qui dit « Hey, si tu le sais pas, t'es juste à un coin de rue d'un citoyen, j'ai vraiment aimé, j'ai mangé ça, c'était bon ». C'est un peu plus fiable aussi, hein? Ben, on a l'impression, en fait, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on suit de plus en plus à la vie des gens qui nous entourent, à la vie des gens de notre réseau. Donc là, subitement, on élargit peut-être un peu notre réseau avec des outils comme ça. On le fait déjà un peu avec des applications spécialisées, mais là, subitement, c'est l'idée de dire, on va pas dans un site d'opinion, dans un site d'avis, on l'intègre directement sur la carte. Donc, on donne directement notre... Dans l'optique, ça peut être, admettons, le restaurant qui dit, ben venez manger chez nous, c'est super bon, mais que c'est plutôt quelqu'un qui nous le conseille, me semble, c'est plus rassurant, d'aller dans un nouvel endroit. Hein. Et qui a pris sur lui, dans le fond, la volonté de taguer ce restaurant-là, de taguer le lieu et de dire, ben voilà, donc là, subitement, on est dans une carte participative. Ce type de carte-là, si on l'élargit un peu, il y a une application, un outil qui s'appelle Better Street qui a été mis de l'avant à San Francisco. Et essentiellement, ce qu'on propose, c'est une plateforme comme ça, mais pour mettre de l'avant des idées pour bonifier les rues de la ville. Donc, on va voir, par exemple, sur la cartographie, on découvre des propositions de projets, on découvre des initiatives qui ont été proposées, des choses qui sont en cours de réalisation. Et là, subitement, on a une plateforme qui nous amène à peut-être avoir envie un peu plus de travailler à l'embellissement de la ville, parce que là, subitement, on sait de A qu'il y a des gens qui ont des idées, de B qu'il y a peut-être des gens qui ont la même idée qu'on a et avec qui on peut choisir de s'impliquer et de travailler, ou simplement de prendre conscience de tout ce qui se fait et peut-être d'avoir envie d'embarquer dans le mouvement. Donc, et ça, c'est un peu grâce aux technologies qu'on peut le faire, dans la mesure où là, subitement, on a des communautés qu'on peut créer autour de plus large que simplement un projet, autour d'une rue, autour d'un lieu géographique, et dire aux gens, ben voici ce qui se passe, voici ce que vous pouvez faire, et on vous donne les ressources pour le faire, on vous donne des contacts pour le faire, et on vous fait prendre compte, prendre conscience qu'il y a des gens qui le font déjà. Ouais, je vois le genre, puis... Moi, ce que je vois au-delà de ça, c'est que, tu sais, dernièrement, Commission Charbonneau, là, je viens plus au Québec, il n'y a pas grand monde qui est fier de leur ville présentement. Il n'y a pas grand monde qui sont fiers de leurs élus, fiers de dire « Ah, oh, je viens de Laval, là, je viens de tel endroit. » Ça, c'est une façon, je pense, de ramener cette espèce d'unité-là, de sentiment de fierté, ouais. De se dire « Si on veut être bien représenté, ben faisons-le par nous-mêmes. Faisons briller notre ville par nous-mêmes. » Puis ce que tu dis, c'est exactement ça. Là. C'est les doigts de la main, puis faisons que un. Là. C'est brillant. Surtout dans le contexte où le cadre légal le permet déjà, dans bien des cas. Parce que l'idée aussi, c'est justement d'éviter de tomber en dehors du cadre légal actuel. Donc, si, par exemple, j'ai un kit, je reviens à mon exemple de verdissement. Oui. Ben, dans ce kit-là, on va avoir aussi détails sur les principes d'urbanisme de la ville. Parce qu'évidemment, à Québec, bon, pour prendre cet exemple-là, il y a des quartiers où il y a une architecture particulière. On veut respecter cette architecture-là, où il y a une allure particulière, où il y a des types de couleurs qu'on va préconiser, etc., pour avoir une unité. Donc, à l'intérieur de ces kits-là, ben non seulement il y a le côté légal, donc les lois, les normes, les règlements, mais il y a aussi le côté, justement, normatif, donc sur les types d'interventions qui sont acceptables, sur les types de matériaux, peut-être, qui sont à préconiser. Et là, subitement, ben on a donc des gens qui sont mieux outillés pour le faire, mais dans le cadre d'interventions acceptables socialement, pour créer quelque chose de véritablement durable, plutôt que d'avoir des interventions peut-être au hasard, peut-être d'avoir des choses qui sont moins souhaitables, qui sont moins efficaces. Donc là, subitement, on a des gens qui travaillent quand même avec un objectif commun. Donc le cadre est commun, le cadre est déterminé par l'administration, et là, on a notre terrain de jeu en tant que citoyen, et on a peut-être un peu plus conscience du terrain de jeu qu'on peut faire et qu'on peut avoir aussi. C'est peut-être un peu plus encourageant aussi de faire des projets quand tu sais que tu t'en vas dans la bonne lignée. Mais ton projet va durer, ou a plus de chances de durer, ou du moins, s'il est temporaire, ben qu'il n'y aura pas, justement, de problème au niveau réglementaire, qu'il n'y aura pas d'agent de sécurité qui va venir pour te dire, est-ce que tu as demandé telle autorisation? Et parce que, dans le fond, c'est sûr qu'on peut se faire bien accompagner déjà. Il y a déjà des ressources, des gens qui travaillent pour accompagner, justement, des mesures citoyennes comme ça. Il y a des conseils de quartier, il y a des agents de développement, etc., etc. Mais ça vient peut-être aussi alléger le travail des gens de l'administration, de déjà avoir des guides comme ça, des kits, et d'avoir des idées répertoriées pour, justement, après ça, bien orienter les gens que, lorsqu'ils vont arriver et cogner aux différentes portes qui existent déjà, ben ils vont peut-être être mieux partis, mieux démarrés, savoir où ils veulent s'en aller, où ils peuvent s'en aller. Ça fait un bon office de guide, d'outils, oui. Vraiment. Alors, on parle en fait, peut-être en conclusion, là, quelques avantages. On parle d'ouvrir les espaces et les systèmes urbains à l'intervention des habitants. Donc, comme tu disais, ouvrir nous permettre d'embellir, de travailler sur notre ville, de comprendre dans quel axe et dans quelle mesure on peut travailler là-dessus, d'améliorer la qualité des espaces urbains, donc que ce soit à l'image de ceux qui les habitent, à l'image de ceux qui les fréquentent, que ce soit aussi des modes d'intervention légers pour une ville peut-être un peu plus frugale, un peu plus facile d'accès, plus sympathique, plus conviviale. Et évidemment, ça ouvre aussi ce type d'initiative-là au plus grand nombre, donc peut-être ceux qui ont un peu plus peur de se lancer, de plonger dans des projets comme ça, mais là, subitement, on réalise peut-être que c'est pas si compliqué que ça, finalement, s'il y a déjà une partie du travail qui est fait, et évidemment, grâce aux technologies, ben, de créer des communautés, de créer des échanges d'idées entre des gens d'ici, entre des gens d'ici et des gens d'ailleurs, donc pour subitement pouvoir s'inspirer à bonifier nos villes, au sens très large, et au bout du compte, notre planète, pourquoi pas. Ouais, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Raymond. Puis, t'as parlé de la France. En France, on verra si dans les années ou les mois à venir, ça se rendra au Canada, au Québec. Ça pourrait être très intéressant. Exactement. Et si les gens veulent explorer un peu l'impact des technologies sur les villes, je le répète, l'article, il est sur internetactu.net. Okay. Sinon, vous en trouvez des similaires sur itis.ulaval.ca ou sur ofti.org. Sinon, si on veut te rejoindre pour lire ou t'entendre? Twitter @itis_ul.